Bonjour à toutes et à tous, ici Lia. Je suis heureuse de vous retrouver comme chaque mardi à 8h et 13h30 pour cette chronique Minute Bonheur. Merci à tous. Et aujourd'hui, je vous parle d'une technique intéressante, l'EFT. Mais tout d'abord, que veut dire EFT ? Eh bien, c'est l'Emotional Freedom Technique, ou technique de libération émotionnelle dans sa traduction française. L'EFT ou TLE nous permet de nous libérer d'émotions non désirables et d'idées limitatives concernant notre potentiel, ce qui annonce un bouleversement de la gestion de nombreux aspects de notre vie. L'histoire de l'EFT en bref, un résumé de Bianca Van Herot. L'origine de la technique de l'EFT remonte au début de la race humaine. Pour autant qu'on sache, les hommes se sont toujours réconfortés en utilisant leurs mains. Plus près de nous, la technique de libération émotionnelle possède un arbre généalogique relativement précis, l'utilisation de notre tendance naturelle à toucher des points de confort sur notre corps afin d'apaiser et de guérir a été introduite par la vieille médecine chinoise grâce à l'invention de l'acupuncture. En effet, les Chinois ont découvert il y a à peu près 5000 ans qu'un système de circuits d'énergie circule dans nos corps et ses méridiens forment la base de l'acupuncture. Il s'agit ainsi d'appliquer des aiguilles à des endroits où cheminent des courants d'énergie, des méridiens. Cette pratique a été affinée et a évolué tout au long des siècles. Mais une chose importante est à remarquer. Elle n'a pas été pratiquée et développée afin de résoudre des problèmes émotionnels. Et ses praticiens ne l'ont pas considérée comme une technique de thérapie psychologique. Au XXe siècle, un chiropracteur connu, le docteur George Goodhart, a fondé une branche de chiropraxie. Il s'agit d'une méthode assez précise pour tester le corps afin d'évaluer ses besoins grâce à des tests musculaires. Aujourd'hui, on enseigne cette méthode sous le nom de kinésiologie appliquée. En 1962, le docteur Goodhart a fait connaissance avec l'acupuncture. Intrigué par ces nouvelles possibilités qui s'ouvraient à lui, il a décidé de rechercher ce que l'acupuncture pouvait apporter à la kinésiologie appliquée. Puis, il s'est demandé si l'on pouvait se passer d'aiguilles et soit appliquer une pression, soit effectuer un tapotage ou un léger tambourinage sur les points des méridiens. Cela a marché, ce qui constituait un grand progrès, car cette nouvelle façon de faire était accessible à beaucoup plus de personnes. En se fondant sur les travaux de Goodhart, un psychiatre australien, John Diamond, a fait un pas en avant en 1970. Il a baptisé sa forme de thérapie « kinésiologie behavioriste ». En partant de la méthode de Goodhart, il se servait entre autres d'affirmations positives tout en touchant des points d'acupuncture afin de soigner des problèmes émotionnels. C'est ce développement qui est à l'origine des thérapies basées sur les méridiens d'aujourd'hui dont l'EFT est la plus connue et éprouvée sur le plan mondial. Une nouvelle voie en partant de la kinésiologie appliquée a été ouverte en 1980 par un psychologue, Roger Callahan. Il a perfectionné la méthode en utilisant la procédure du tapotage en la combinant avec la concentration sur un problème émotionnel. Voilà la naissance d'une toute nouvelle thérapie. Il a découvert que si une personne se concentre sur une peur précise en combinaison avec le tapotage, cette peur peut disparaître de façon définitive. C'est ce que l'on peut appeler le miracle minute. Mais ça ne va pas toujours aussi vite. Comme c'est souvent le cas, sa découverte est due à un hasard. Lui aussi avait cherché une solution pour ses patients du côté des méridiens. Mais entre parenthèses, il n'y a pas de hasard et seulement des rendez-vous. Cela faisait 2 ans qu'il travaillait avec Marie, une jeune femme dont la phobie de l'eau était si forte qu'elle ne pouvait même pas entrer dans une baignoire sans éprouver une anxiété très vive. Il avait essayé de résoudre son problème avec plusieurs techniques de réduction d'anxiété, mais les progrès demeuraient lents et décourageants. Pour Marie, il n'était pas question de s'approcher de la piscine qui se trouvait sur le terrain du cabinet de Roger Canahan. Elle ne pouvait pas supporter le contact de l'eau sur son corps sans éprouver un sentiment proche de la panique. Un beau jour, quand ils travaillaient ensemble sur cette phobie, Marie précisait que le sentiment de peur se situait au niveau de l'estomac. Il se trouve qu'il y a un point d'acupuncture sous l'œil qui, selon la tradition chinoise, est lié au méridien du foie. Par conséquent, Roger Callahan lui a demandé de tapoter ce point. Il pensait que cette manœuvre pouvait équilibrer une éventuelle perturbation dans son système énergétique et ainsi diminuer ses symptômes d'inconfort au niveau stomacal. Marie fit comme il lui avait demandé. Alors, un événement totalement imprévu eut lieu. Au lieu de simplement se retrouver soulagée au niveau de son estomac, elle s'est exclamée qu'elle n'avait plus peur de l'eau. Callahan n'y a pas attaché trop d'importance, cela lui paraissait peu probable. Mais quand il vit sa patiente se lever et courir vers la piscine, il dut prendre les choses au sérieux. Il était inquiet parce que Marie ne savait pas nager et il se mit à la suivre en courant afin de l'empêcher de tomber dans l'eau. Mais même si cela paraissait étrange, la peur de Marie était partie pour de bon. Agenouillée au bord de la piscine, elle s'est aspergée le visage tout en rassurant son psychologue. Elle savait bien qu'elle n'avait pas appris à nager. Le docteur Callahan avait découvert que le fait de tapoter un certain point tout en se concentrant sur sa phobie avait guéri Marie. Il a poursuivi ses recherches en se servant de la kinésiologie appliquée afin de déterminer quel point d'acupuncture entrait en jeu pour tel ou tel problème. Ainsi, il a mis au point des séquences précises, des algorithmes pour chaque émotion. D'abord, il nommait sa méthode les techniques de Callahan, ensuite il a opté pour le nom de Thought Field Therapy, la thérapie de champ de pensée. Il a obtenu des résultats cliniques remarquable. Pour conclure, l'étude de l'EFT et de ses différentes applications participe à la révolution naissante dans le domaine de la psychologie. Simplement, on pourrait dire que l'EFT est une forme d'acupression pour libérer les émotions négatives. C'est donc une méthode rapide, efficace, amusante et facile à apprendre qui donne des résultats de longue durée, même permanents, et apporte souvent un soulagement là où d'autres thérapies ont échoué. Cette méthode est utile pour toutes les émotions négatives telles que tristesse, peur, phobie, colère, dégoût, honte, anxiété, culpabilité, etc. Et peut également aider à résoudre les problèmes physiques, douleur, maigreur, obésité, mauvaise image de soi, ou à vous défaire de certaines manies, tabagisme, envie compulsive, bégaiement. Il s'agit donc, vous l'aurez compris, de tapoter, de frotter doucement certains points spécifiques situés sur nos méridiens. En tapotant ainsi tout en pensant à ce qui nous dérange, on équilibre les méridiens perturbés. Vous conservez la mémoire de l'événement qui vous a dérangé, mais n'en ressentez plus la charge émotive qui l'accompagnait. C'est dire comme cette méthode peut trouver de nombreuses utilisations. Les enfants l'adorent car elle les aide à gérer de nombreux petits maux au quotidien. Peur, phobie, du noir, des araignées, de l'école, colère, moquerie, anxiété de séparation, pipi au lit. Son efficacité est sans pareil pour se débarrasser des craintes, peurs et phobies et d'une rapidité époustouflante. Voilà pour cette chronique consacrée à l'EFT. Je vous précise qu'il existe certains ateliers ici dans les Vosges avec certaines associations qui les proposent. N'hésitez pas à aller voir de plus près comment cela se déroule. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette technique peut être utilisée de façon autonome à la maison. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à mardi prochain. Bisous !